La Voix des cloches, conte de Noël, par Louis Sonnolet. Ah, ce fut une bien triste journée de Noël pour les Bordelais que celle du terrible hiver 1812. Les dames grasses ne pleurèrent pas leurs jumeaux de roi et dorés devant les flambées claires. Les architectures de croûtes des pâtés restèrent intactes derrière les vitrines des charcutiers et le vieux vin des bonnes années continua de dormir au fond des caves. C'est que le cœur des pauvres mères était plus glacé, plus morne que la neige qui couvrait le pavé d'un tapis scintillant et blême. Près de l'âtre, sans flamme, elles songeaient désespérément à leur fils, au joyeux petit soldat de Bordeaux que l'empereur avait emmené 6 mois auparavant dans la Russie lointaine et qui, noyé maintenant dans la retraite effroyable, reposait peut-être pour jamais, dans le silence des steppes infinies et funèbres. Dans une petite maison basse du quartier Saint-Bruno, vivait alors une bonne vieille qu'on appelait Mémé Cladichonne. Elle chérissait si fort son petit-fils Martial, elle en parlait tant et tant à ses voisins, que tout le monde lui donnait ce doux nom de Mémé. Ah, la belle et souriante figure de grand-mère! Malgré toutes ces petites rides qui donnaient à sa ronde figure l'aspect d'une pomerainette oubliée dans l'armoire, elle était restée gaie et remuante comme un pinson de Gascogne. Elle se plaisait à conter des gaillardises, ne faisait pas fi d'un verre de bon vin, et il n'y avait pas très longtemps qu'elle ne dansait plus la Monaco. Jadis, elle avait été une commère accorte et coquette, qui ne grondait pas trop fort les entreprenants, et elle en avait gardé toute sa vie une provision de bonté et de belle humeur. Le sort s'était pourtant montré bien cruel envers la vieille femme. De tous ses enfants et petits-enfants, il ne lui restait plus que Martial, petit et fluet comme une fillette, malgré son nom guerrier, et aussi fragile, aussi délicat que ces plantes qui ne peuvent vivre qu'en serre. La conscription l'avait pris quelques mois auparavant, et il était là, lui aussi, dans cette mortelle débâcle de Moscou, que la France avait apprise avec tant de stupeur. Napoléon, vaincu, était-ce possible? Seule dans sa chambre, effondrée dans son grand fauteuil d'acajou, la pauvre Mémé Cladichonne sanglotait de toutes ses forces, plus désespérée encore de cette nuit de Noël, qui est la fête du foyer et qui apporte tant de belles surprises aux enfants dans ce lumineux manteau de neige. Mon Dieu, si le cher petit conscrit allait mourir de faim et de froid, quand il avait à Bordeaux tant de bonnes choses qui ne seraient pas mangées, tant de vin réchauffant qu'elle est restée inutilement dans leurs bouteilles poudreuses. Soudain, un carillon éclata dans l'air glacé, plein de claires résonances. C'étaient les cloches de l'église Saint-Bruno qui appelaient les fidèles à la messe de minuit. Puis toutes les cloches de Bordeaux se mirent à sonner, et bientôt le bourdon de ce vieux beffroi, qu'on appelle la grosse cloche, domina de sa basse profonde et sourde ce concert de voix aériennes. Mémé Cladichonne écouta, car elle aimait la musique des cloches, et elle croyait souvent y entendre passer des paroles. Mais cette fois, son cœur se figea de terreur dans sa poitrine, car dans les notes argentines et claires de Saint-Bruno, elle reconnaissait une voix frêle, celle de Martial. Et la voix criait, avec un ton d'angoisse désespérée. « Adieu, adieu, adieu, adieu !» Tandis que de son timbre caverneux, la grosse cloche répondait comme un écho lugubre. « Au secours, au secours, au secours !»« Allons, je suis folle, » se dit Mémé Cladichonne. « Tout ça, ce sont des idées de pauvre vieille. » Elle essuya ses yeux, rajusta les mèches éparses de ses cheveux blancs et couvrit son fichu à fleurs d'une ample cape de laine noire. Puis elle se hâta vers la messe de minuit, en tenant sa lanterne d'une main si tremblante que devant elle, les halos de lumière dansaient une sarabande sur la neige. L'église Saint-Bruno, pleine de fidèles, resplendissait de tous ses feux et de toutes ses parures. La d'Este fidèles monta vers la voûte parmi les volutes parfumées de l'encens. Mais lorsque les cloches firent vibrer à nouveau les flancs de pierre du clocher, les yeux de Mémé recommencèrent à s'emplir de larmes. Les flammes des cierges se troublèrent devant elle, en une buée rayonnante, et elle murmura de tout son cœur cette touchante prière. « Grand Saint-Bruno, mon bon voisin, rendez-moi mon petit Martial. Il faut me pardonner, voyez-vous, si autrefois, dans mon beau temps, je n'ai pas été trop dur aux clercs du Parlement et aux beaux sergents recruteurs. Oh, ramenez-moi mon pauvre Gagnon, qui est allé faire la guerre dans les Russies. Bien sûr, il s'est battu là-bas comme un bon petit soldat de Bordeaux qu'il est. Faites maintenant qu'il ne périsse pas de famine et de froidure. » Car, dans sa naïve compréhension des choses, Mémé Cladichonne aimait mieux s'adresser au saint qu'à Dieu lui-même. Ils ont été des hommes, disait-elle. Ils doivent savoir bien mieux que le Père éternel ce qu'il faut faire pour sauver leurs semblables. Elle se sentait en particulier très attirée vers son voisin Saint Bruno. N'avait-il pas été moine? Et dans la cervelle de Mémé Cadichon, toute remplie de légendes populaires, le mot moine évoquait des idées rabelaisiennes de vie plantureuse et gourmande. Quand Mémé Cadichon rentra chez elle, elle eut le cœur encore plus gros. En se rappelant le réveillon de l'année passée, comme Martial s'était régalé. Elle renvoyait la flamme de plaisir qui colorait ses joues pâles, et dire qu'elle avait tant espéré l'avoir auprès d'elle pour cette autre nuit de Noël 1812. Le petit conscrit avait écrit de Moscou que la guerre était finie, qu'il serait bientôt de retour en France. Alors Mémé Cadichon avait soigneusement mis de côté pour le réveillon une bonne terrine de confit d'oie qu'elle avait fait elle-même et une antique bouteille toute veloutée de poussière grise. C'était du vin de la récolte de 1789, l'année de la liberté, comme disaient les vignerons, car il y avait eu cette année-là de triomphantes vendanges et la flamme d'une vie nouvelle s'était mêlée à l'ivresse du jeune vin. Les vieilles gens ont d'étranges manies. Voilà Mémé Cadichon qui sort de son armoire la vénérable bouteille, où s'accrochent des filaments de toile d'araignée et la terrine ventrue qui sent bon la volaille grasse. On dirait qu'elle attend Martial. Pauvre Martial, s'y occupe à défendre sa chétive existence contre l'hiver, la faim, les cosaques, les loups. Allons, il n'y a qu'à rester muette, impuissante et désespérée, devant ces vaines gâteries, qui lui seraient si précieuses. Et quelques pouvoirs magiques pouvaient les lui apporter par-delà les lieux innombrables. Comme il le réchaufferait, ce bon vin. Comme il le réconforterait, ce confit d'oie. Et la nuit passe. La douloureuse rêverie se prolonge et Mémé Cadichon finit par s'endormir. Elle n'a pas touché à l'odorante terrine, ni au cachet vert du bon vin de la liberté. Car c'est pour l'absent tout cela, et d'ailleurs, elle a plus de peine que d'appétit. Mais longtemps encore, elle a murmuré la même prière. « Mon bon Saint Bruno, sauvez mon petit Martial, qui se languit de misère dans les Russies. » Dans la steppe blanche comme un linceul, sous la nuit obscure à quelques verstes de Kovno, un petit fantassin blême, les joues creuses, les yeux fiévreux, s'est affaissé dans la neige. C'est Martial, le pauvre Martial de Mémé Cadichon. Les membres paralysés par la gelée, il ne peut plus suivre la trace des derniers débris de la grande armée. Allons, il faut mourir ici. Bien douloureusement, il se met à penser à sa Mémé Cadichon. Des larmes lui viennent, le pauvre petit, quand il se dit que c'est Noël cette nuit, et qu'il revoit lui aussi le joyeux réveillon de l'an passé. Adieu, toutes ces bonnes choses. Dans un élan de déchirement, il lance cet adieu à l'air sonore. Puis après avoir retiré de ses souliers ses pieds déchirés par la fatigue et le froid, il les entoure d'une vieille couverture et il s'étend tout de son long dans sa capote en haillons, attendant ce sommeil de la neige qui est réchauffant et doux, mais dont on ne se réveille jamais. Pourtant, par quel miracle Martial se réveillait-il au petit jour? Il secoua la neige qu'il recouvrait tout entier comme un mollet tendon de plumes blanches. Puis il revit la bonne figure de sa grand-mère si heureuse de sa surprise jadis quand il courait ce matin-là à ses petits souliers déposés devant l'âtre. Ça lui rappela qu'il avait quitté ses souliers la veille pour soulager ses pieds meurtris. Il ne les vit plus auprès de lui. Alors, avec des gestes harassés, il se mit à fouiller pour les retrouver, cette neige qui lui avait été hospitalière et pitoyable. Enfin, les voici qui apparaissent. Mais grand Dieu, est-ce possible? Non, Martial est fou. Dans ses pauvres souliers craqués et lamentables, il semble qu'il y a quelque chose comme autant des beaux Noëls de son enfance. Ce sont même des cadeaux merveilleux, magiques, invraisemblables. Une bouteille grise de poussière, une terrine agréablement rebondie qui sent bon la volaille et la vie heureuse. Avec quelle hâte fébrile et radieuse, le pauvre affamé attaque le savoureux confit d'oie, fait sauter le goulot de la bouteille. Tout de suite, le voilà ragaillardi, réchauffé, joyeux. On dirait que le vieux vin vient de couler dans ses veines tout le soleil qui a muré les pampres durant cette radieuse année de la liberté. Du coup, il a retrouvé ses jambes, sa gaieté, son courage. L'âme de Bordeaux pénètre en son cœur et chante dans sa cervelle. Et le petit conscrit repart à travers la steppe blanche et déserte, en clamant à pleine voix un vieux refrain gascon. Ce fut le carillon de la messe de l'aurore qui réveilla Mémé Cadichon. Elle vit tout de suite que la terrine parfumée et la bouteille poudreuse avaient disparu. Ah, je vous jure qu'elle se lamenta de belle façon. Qui donc a mangé mon confit d'oie ? se demanda-t-elle en pleurant, « qui a bu mon vieux vin de l'année de la liberté ?» Mais les cloches argentines de Saint-Bruno se mirent à tinter avec plus d'allégresse encore, et la bonne grand-mère entendit qu'elle lui répondait, « Ne pleure plus ton confit, ton bain, mémé Cadichon. C'est ton bon voisin Saint-Bruno qui les a portés cette nuit à ton petit Martial, pour qu'il ne meure pas de froid et de faim dans les Russies. » Alors la pauvre vieille tomba à genoux, les mains jointes. Un sourire d'extase brilla à travers ses larmes, et sous sa coiffe, sa figure ridée comme une pommerinette rayonna, tandis que le bourdon de la grosse cloche se mettait de la partie et répétait, comme un écho triomphant, en adoucissant sa voix formidable, « Il est sauvé, sauvé, sauvé !» Ainsi s'achève La Voix des cloches par Louis Sonnolet.